Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'espère que vous allez bien. On va continuer maintenant, inshallah, la suite de l'histoire du prophète Moussa alayhi salam. On était arrivé au moment où le peuple de Moussa alayhi salam, qui est le peuple de Banu Israël, il subissait des injustices de la part de Pharaon et de ses adeptes, les Coptes. Et Allah Ta'ala a fait descendre des épreuves sur Pharaon et ceux qui l'ont suivi. Et à chaque fois que ces épreuves leur tombaient dessus, des immenses épreuves, des grands fléaux, alors ils retournaient voir Moussa alayhi salam et ils lui disaient « Demande à ton Seigneur que tout ceci s'arrête et on croira en toi et on laissera les fils d'Israël partir avec toi. » Et à chaque fois que Moussa alayhi salam invoquait son Seigneur pour que cela s'arrête, cela s'arrêtait et Pharaon reprenait les injustices à l'égard du peuple de Banu Israël. Et on a dit qu'il y a eu 7 signes. Donc il y avait les poux, les grenouilles, le sang, la sécheresse, quand il n'y avait plus de fruits du tout, etc. Donc on avait cité 7 signes. Et à la fin de ces 7 signes-là, Pharaon et son peuple n'ont toujours pas cru en le prophète Moussa alayhi salam, ils ont continué les injustices et on avait dit que à partir de là, Allah a ordonné à Moussa alayhi salam de prendre son peuple de Banu Israël avec lui et de se diriger vers la Palestine. On s'était arrêté là dans le dernier cours et donc on va continuer inshallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد طه الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. La louange est à Allah, le Seigneur des mondes, et que l'honneur et l'élévation en degré soient accordés à notre maître Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Nous demandons à Allah qu'il nous fasse apprendre ce que nous ignorons, qu'il nous fasse nous rappeler de ce que nous avons oublié et qu'il nous augmente en connaissance. Et nous lui demandons de nous préserver de l'état des gens de l'enfer. Et nous demandons à Allah de nous accorder une intention sincère dans l'apprentissage de la science de la religion et dans la pratique et l'application de celle-ci. Allah Ta'ala dit dans le Coran: وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْزُ قَالُوا يَا مُوسَى ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِندَكَ لَئِن كَشَفْتَ عَنَّا الرِّجْزَ لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِي إِسْرَائِيلَ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الرِّجْزَ إِلَىٰ أَجَلٍ هُمْ بَالِغُوهُ إِذَا هُمْ يَنْكُثُونَ. C'est-à-dire que lorsque ces terribles épreuves s'abattaient sur les Coptes, sur les injustes en Égypte, alors ils disaient « Ô Moussa, demande pour nous à ton Seigneur du fait de ce qu'il t'a accordé, c'est-à-dire que tu es un prophète. » Parce qu'eux, ils ne croyaient pas en lui. Mais à ce moment-là, comme ils subissaient de grandes épreuves, alors ils allaient voir Moussa et ils disaient « Demande à ton Seigneur que ceci s'arrête. »« La in kashafta anna rijza la nu'minanna lak. » Si tu nous fais arrêter ce calvaire, alors on croira en toi. « Wa la nursilanna ma'aka bani Israël. » Et on te laissera partir avec ton peuple, avec le peuple de Banu Israël, les fils d'Israël. فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الرِّجْزَ إِلَىٰ أَجَلٍ هُمْ بَالِغُوهُ. Et quand on leur arrêtait ces épreuves jusqu'à un temps déterminé, puisque après l'épreuve suivante allait venir, il s'avérait qu'ils ne tenaient pas leurs engagements et ils contredisaient leurs promesses et ils se remettaient à être injustes avec le peuple de Banu Israël. Alors Allah Ta'ala a ordonné à Moïse, Moussa alayhi salam, de faire sortir le peuple d'Israël d'Égypte en pleine nuit. pour pas que Pharaon ne s'en rende compte, et de les conduire en Palestine. Et Allah Ta'ala dit à ce sujet: وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون فأرسل فرعون في المدائن حاشرين إن هؤلاء لشرذمة قليلون. Donc, c'est-à-dire, nous avons révélé à Moussa de sortir la nuit avec mes esclaves, les esclaves d'Allah, c'est-à-dire le peuple de Banu Israël, et vous allez être suivis. Pharaon vous suit, il va vous suivre. Et effectivement, Pharaon a appelé son armée pour poursuivre Moussa alayhi salam, avec pour objectif de le tuer et de tuer tout le peuple de Banu Israël. Donc, Moussa alayhi salam, il s'est préparé avec les croyants, et les croyants, ils étaient environ 600 000. Le peuple des fils d'Israël était environ 600 000. Ils sont partis en pleine nuit en direction de la mer Rouge. Bien sûr, ils se dépêchaient, ils se précipitaient, ils se hâtaient, parce qu'ils s'attendaient à ce que Pharaon, il les poursuive avec son injustice. Et effectivement, le matin, quand Pharaon s'est réveillé, et qu'il s'est rendu compte que le peuple de Banu Israël avait quitté l'Égypte et qu'ils avaient commencé leur exode, alors il a préparé son armée. Et dans son armée, certains ont dit qu'il y avait 100 000 cavaliers. Le peuple de Banu Israël, c'était des hommes, des vieillards, des femmes, des enfants, il y avait de tout. Les soldats de l'armée de Pharaon, ils étaient 1 600 000 ou plus. Et dans ces 1 600 000, il y avait 100 000 cavaliers. Donc ils étaient partis pour exterminer le peuple de Banu Israël. Et ils se sont mis en marche. Ils ont suivi les traces pour rattraper Moussa alayhi salam et son peuple. Et Pharaon voulait vraiment les massacrer, il voulait les torturer. Le lendemain matin, au lever du soleil, ils les ont rattrapés. Et là, les deux groupes se sont retrouvés face à face. Il y avait une certaine distance entre eux. Et chacun pouvait voir combien étaient les forces de l'adversaire. Alors il y avait une immense armée avec 100 000 cavaliers, 1 600 000 soldats, et en face un peuple de personnes affaiblies avec tout ce qui leur avait été fait, hein, avec toutes les souffrances qu'ils ont subies, avec des enfants, avec des femmes, des vieillards, qui étaient 600 000. Donc il y avait 1 million de soldats en plus que le peuple de Banu Israël. Donc là, les Banu Israël, ils ont compris que le danger, il était imminent, et il était imminent, il était grave, et il allait arriver, il était très proche. Non seulement ils avaient l'armée de Pharaon derrière eux, mais en plus ils avaient quoi devant eux? Ils avaient la mer Rouge. Derrière eux, une armée de 1 600 000 personnes, devant eux, le bhar, la mer. Quoi faire? Imaginez-vous dans cette situation. Donc eux, ils étaient sûrs que ça y est, ils allaient se faire massacrer. Et donc ils se sont mis à crier et ils se sont plaints au prophète Moussa alayhi salam et lui ont dit « ils vont tous nous massacrer ». Ils étaient affolés. Alors le prophète Moussa alayhi salam, qui obéissait à Allah, et qui savait que si Allah lui a ordonné de sortir d'Égypte, c'est pour que la victoire leur soit accordée. Et donc, le prophète Moussa alayhi salam les a rassurés. Allah Ta'ala dit dans le Coran: فَلَمَّا تَرَاءَ الْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَى إِنَّا لَمُدْرَكُونَ. C'est-à-dire, quand les deux groupes se sont vus, alors ceux qui étaient avec Moussa ont dit: on a été rattrapé, on va se faire massacrer, on a été attrapé, ça y est, ils nous ont atteints. قَالَ كَلَّا إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينَ. Et Moussa alayhi salam, il a dit non, ça veut dire ne vous inquiétez pas, j'ai mon Seigneur qui est avec moi. Avec moi, c'est-à-dire qui me soutient et qui me protège et qui va me guider vers la délivrance. Et à ce moment-là, Allah Ta'ala a ordonné au prophète Moussa alayhi salam de frapper la mer avec son bâton. Et vous connaissez tous ce miracle. C'est un vrai miracle. Ça a réellement existé. C'est écrit dans le Coran. C'est pas une fable. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui ne lisait pas et qui n'écrivait pas et qui à la base ne connaissait pas les histoires qui sont racontées par les juifs, qui étaient racontées par les juifs et qui étaient écrites dans les livres des juifs. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne connaissait pas ces choses-là. Allah lui a révélé cette histoire dans des paroles qui sont les plus éloquentes, des paroles qui sont des phrases du Coran. Et ça, c'est en soi un miracle pour le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qu'il informe les gens de choses qui ont eu lieu des centaines d'années auparavant. Et Allah dit dans le Coran, فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنِ اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْبَحْرِ فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ. C'est-à-dire, nous avons révélé à Moussa de frapper avec son bâton la mer, et la mer s'est ouverte, et chaque parcelle d'eau, chaque pan d'eau, était comme une immense montagne. Et en fait, il n'y avait pas qu'un sentier qui s'est formé lorsque le prophète Moussa alayhi salam a frappé le bâton avec a frappé la mer avec son bâton. Il y a eu 12 branches, 12 sentiers qui ont été ouverts. Et entre chaque sentier et un autre, il y avait l'eau qui était figée en hauteur comme une montagne. C'était impressionnant, c'était extraordinaire. Banu Israël, quand ils ont vu ça, ça les a apaisés. Ils ont vu que le prophète Moussa alayhi salam avait reçu un miracle immense, gigantesque, et qui était le signe qu'ils allaient être sauvés. Et Pharaon, eh ben Pharaon lui aussi, il a vu le miracle. Il était là. Et le peuple de Pharaon, ils étaient là. Mais Pharaon était arrogant. Pharaon était orgueilleux. Même en voyant les miracles, il refusait de se soumettre. Alors, pourquoi la mer s'est ouverte en 12 branches? Elle s'est fendue en 12 sections parce qu'il y avait 12 tribus. Rappelez-vous, le prophète Israël, qui n'est autre que le prophète Yaqub, a eu 12 garçons. Et ces 12 garçons ont eu chacun une descendance, que ce soit Youssouf alayhi salam, l'un des 12, ou bien Binyamin également, et les 10 autres, ils ont tous eu une descendance. Et leur descendance, on les appelle les 12 tribus de Banu Israël. Et donc, chaque tribu a pris un chemin ferme, elle a emprunté un chemin pour traverser la mer. Allah a ordonné à Moussa alayhi salam de s'engager dans la mer, hein, de prendre les sentiers et de dire à ses tribus, aux tribus de Banu Israël, de traverser également. Et donc, ils ont pénétré dans la mer et ils étaient persuadés que Allah Ta'ala allait leur accorder la victoire. Ça y est. Ils ont vu le miracle qui était grandiose, ils ont vu ce signe de la part d'Allah Ta'ala, donc ils sont entrés entre les montagnes d'eau. Et certains ont dit que dans l'eau, dans les montagnes d'eau, il y avait comme des fenêtres, de sorte à ce que dans chaque sentier, les musulmans, les croyants, ils pouvaient voir à travers ces fenêtres ce qui se passait dans l'autre sentier. Ils pouvaient être apaisés quant au sort de leurs cousins, des autres tribus. Ils pouvaient être tranquillisés en voyant que les autres tribus également avançaient. Quand ils ont terminé la traversée, Moussa alayhi salam, il a voulu frapper la mer avec son bâton. C'est le même bâton qui s'était transformé en un serpent. Et je veux, Inch'Allah, si on a le temps tout à l'heure, je vous raconterai que ce bâton, il a plein de miracles. Allah a fait que Moussa alayhi salam ait eu plusieurs miracles avec ce même bâton. Moussa alayhi salam, il a traversé la mer. Le peuple de Banu Israël, ils ont traversé la mer. Et là, Moussa alayhi salam a voulu frapper le bâton. Il a voulu frapper la mer. Moussa a voulu frapper la mer avec son bâton pour pas que Pharaon ne puisse traverser. Mais Allah lui a révélé de laisser la mer telle qu'elle pour que Pharaon, il passe dans les chemins avec son armée et qu'ensuite, il se noie. Allah Ta'ala dit dans le Coran, وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوَى, c'est-à-dire, laisse la mer comme elle est. Ne la fais pas redevenir telle qu'elle était en frappant avec ton bâton. Laisse-la comme elle est. Et Moussa alayhi salam, il a exécuté l'ordre. Il a obéi. Et Allah Ta'ala dit dans le Coran, وأنجينا موسى ومن معه أجمعين ثم أغرقنا الآخرين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. C'est-à-dire, nous avons sauvé Moussa et ceux qui étaient avec eux. Ils ont tous été sauvés et nous avons noyé les autres. Donc, comme l'indique ce verset, Pharaon a été noyé. Comment ça s'est passé? En fait, Pharaon, quand il est arrivé sur le rivage, il a vu le miracle, lui, il a eu peur. Il a vu des montagnes d'eau. Il a eu peur de traverser. Mais il voulait pas montrer sa lâcheté et montrer sa peur. Donc, il s'est mis à motiver les troupes pour qu'ils traversent et ils aillent tuer tous les gens de Banu Israël. Et Pharaon, lui, il ne comptait pas traverser. Il voulait rester sur le rivage et il a galvanisé les soldats, il les a motivés et il leur a donné de la motivation et de l'élan pour qu'ils traversent. Pharaon lui-même ne voulait pas traverser. Qu'est-ce qui s'est passé? L'ange Jibril, alayhi salam, est descendu du ciel et il était sur une jument. L'ange Jibril, alayhi salam, était sur une jument. Il est passé à côté de Pharaon. Et Pharaon était sur un cheval, sur un étalon. Jibril, alayhi salam, il est entré dans la mer avec sa jument. Et l'étalon de Pharaon, le cheval de Pharaon, l'a suivi la jument sur laquelle était l'ange Jibril, alayhi salam. Et du coup, Pharaon, malgré lui, il est entré dans la mer. Et quand les soldats ont vu leur chef et leur gouverneur entrer dans la mer, ils se sont engouffrés eux aussi dans la mer derrière lui. Et quand tous les soldats se sont retrouvés dans les sentiers, hein, à l'intérieur de la mer, et que le premier s'apprêtait à en sortir, Allah a ordonné au prophète Moussa alayhi salam à ce moment-là de frapper la mer encore une fois, mais de l'autre côté du rivage, puisqu'il l'avait traversé avec son bâton, et là la mer elle s'est refermée sur eux, et ils ont tous péri, ils sont tous morts, noyés. Il n'y a pas eu un rescapé parmi les soldats de Pharaon. Et ce jour-là, c'était le jour de Ashura. Ce jour-là, c'était le 10e jour de Muharram. C'est pour ça que quand le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, il est arrivé à Médine, et il a appris que les juifs jeûnaient le 10e jour de Muharram, donc le jour qui s'appelle Ashura, et Muharram c'est un mois lunaire, hein, c'est un mois de l'année lunaire. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est informé et il a demandé pourquoi les juifs jeûnaient ce jour-là. Alors les juifs ils ont dit qu'ils jeûnaient ce jour-là parce que c'était le jour dans lequel Moussa a été sauvé par Allah et dans lequel Pharaon s'est noyé. Et donc, pour remercier Dieu, soi-disant, il jeûnait ce jour-là. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il a dit à ses compagnons? Il a dit, « Nahnu awla bi Moussa ». Et dans une version, « Entum », en parlant de ses compagnons, « Entum ahakku bi Moussa minhum ». C'est-à-dire, mais nous, on est prioritaire par rapport à Moussa. Parce que nous, on est sur la même religion que Moïse. Et je vous le rappelle encore une fois, tous les prophètes sont musulmans. Ceux qui ont dévié des prophètes, ils ont inventé des religions. Et vous connaissez le nom de ces religions-là. Mais les prophètes, ils ont appelé à quoi? À se soumettre à Allah, à l'islam. Puisque le terme islam en arabe, ça veut dire la soumission à Dieu. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a donc dit à ses compagnons, mais vous, c'est-à-dire vous, mes compagnons, vous êtes plus proches de Moussa que ces gens-là. Même si eux se réclament de Moïse, en réalité, ils ne le suivent pas. Parce que s'ils avaient suivi Moïse, déjà ils ne seraient pas tombés dans l'anthropomorphisme, ils n'auraient pas attribué à Dieu des semblables et des associés, et en plus, ben, ils m'auraient suivi. Parce que je suis le successeur des prophètes qui m'ont précédé. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Wa khutima biyan nabiyyun », c'est-à-dire l'envoi des prophètes a été scellé par moi-même. Donc c'est le prophète Mohammed, le dernier prophète, et il fallait le suivre. Ceux qui ne l'ont pas suivi ne sont pas des croyants, même s'ils prétendent suivre un prophète d'avant. Ça ne marche pas. Il faut suivre le prophète de ton temps et croire en tous les prophètes qui avaient tous la même religion. Voilà pourquoi le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, il a ordonné à ses compagnons de jeûner le jour de Ashura. C'est recommandé, ça n'est pas obligatoire. Mais il leur a dit de le jeûner. Parce que nous, on va remercier Allah d'avoir sauvé le prophète Moussa alayhi salam, qui est un prophète musulman comme tous les prophètes musulmans. Parce que nous, nous sommes sur la même religion que lui, que le prophète Moussa alayhi salam, et que les croyants qui l'ont suivi. Donc, c'était le jour de Ashura, le jour où Moussa et son peuple ont été sauvés, et le jour où Pharaon a été noyé. Maintenant, Pharaon, quand il a vu que la mort était inéluctable, quand il a eu la certitude qu'il allait mourir, alors là, il a prétendu croire en Dieu à ce moment-là. Quand il a vu ça, il était en train de se noyer. Il a vu qu'il n'y avait pas d'échappatoire. À ce moment-là, il a dit « Amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu Israël ». C'est-à-dire, j'ai cru qu'il n'y a pas d'autre Dieu que le Dieu en qui ont cru Banu Israël. En gros, j'ai cru qu'il n'y a pas d'autre Dieu que Dieu. Ça y est, je me repens et je me soumets. Il a dit « Wa ana min al-muslimin » et je suis au nombre de ceux qui se soumettent à Allah, c'est-à-dire les musulmans. « Ana min al-muslimin » Mais son repentir n'a pas été accepté. Pourquoi ? Parce que il y a, comme j'avais donné dans le cours sur le repentir, que vous pouvez retrouver dans la playlist qui s'appelle « Les jardins des vertueux », un des premiers cours s'appelle « Le repentir », je vous invite à l'écouter. Dedans, j'avais expliqué qu'il y a des conditions au repentir. Et parmi les conditions pour que le repentir soit accepté, c'est qu'il soit fait dans le temps qui lui est imparti. C'est-à-dire que ce ne soit pas trop tard. Parce qu'il y a des moments après lesquels c'est trop tard, ton repentir n'est plus accepté. Celui qui était mécréant et qui souhaite entrer en islam, qui souhaite se soumettre à Dieu, après que ces moments-là aient eu lieu, ben c'est trop tard. Sa foi n'est pas acceptée, comme ce qui est arrivé à Pharaon. Et celui qui était musulman mais grand pécheur, il commettait des péchés. Et après que ces moments-là soient arrivés également, il veut se repentir, c'est trop tard. Alors quels sont ces moments ? Premièrement, si la personne, elle voit l'ange de la mort. Si tu vois l'ange de la mort, c'est trop tard, le repentir, il n'est plus accepté à partir de là. Donc quelqu'un qui voit l'ange de la mort, qui vient pour lui ôter l'âme de son corps, à ce moment-là, il dit « Ah, je veux devenir musulman, ça y est, je crois maintenant. » Non, c'est trop tard. Il reste au nombre des mécréants. Et quelqu'un qui était musulman et désobéissant, il faisait pas la prière, il commettait des péchés, et « Kanayu sawif » Il disait « Saoufa, saoufa ». Il retardait à plus tard, il procrastinait dans le bien, il disait « Oh, plus tard, je prierai, pas maintenant, là, je suis occupé. » Celui-là, s'il voit l'ange de la mort, ça y est, c'est trop tard. Et s'il se repent maintenant, son repentir n'est pas accepté. Donc si tu vois l'ange de la mort, le repentir n'est plus accepté. Et également, celui qui arrive à un stade où il est sûr qu'il est en train de mourir, il désespère de la vie. Il n'a plus aucun espoir qu'il va rester en vie. Je ne parle pas de celui qui est malade d'un cancer et le médecin lui a dit « Il ne vous reste plus que 3 mois ». Non, non, c'est pas ça. Le médecin, il ne connaît pas Al-Ghaib et combien de gens ont été guéris ou ont vécu de longues années même après avoir eu de grandes maladies. On ne parle pas de ça. On parle de vraiment quand la personne, dans son cœur, elle sait qu'elle est en train de mourir, elle n'a plus aucun espoir de s'en sortir. « Halatul yas », le moment du désespoir. Désespoir de quoi ? De pouvoir continuer à vivre. Ça y est, il est sûr qu'il est en train de mourir. À ce moment-là, le repentir n'est plus accepté. Et c'est ce qui est arrivé à Pharaon. C'est pour ça que Dieu dit dans le Coran « وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَغْيًا وَعَدْوًا » حَتَّى إِذَا أَدْرَكَهُ الْغَرَقُ قَالَ آمَنْتُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا الَّذِي آمَنَتْ بِهِ بَنُو إِسْرَائِيلَ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ الْآنَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ C'est-à-dire, nous avons fait traverser Banu Israël, le peuple des fils d'Israël, nous leur avons fait traverser la mer et Pharaon et ses soldats les ont suivis avec hostilité, ils allaient commettre l'injustice. Jusqu'à ce que, lorsque la noyade est arrivée à Pharaon, il était en train de se noyer, ça y est, il savait qu'il mourrait, Il a dit quoi? Amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu Israël. J'ai cru qu'il n'y a pas d'autre Dieu que le Dieu en qui ont cru banu Israël, wa ana min al-muslimin, et je suis au nombre des musulmans. Ça y est, je me soumets à Dieu. C'est quoi le verset suivant? Al-ana wa qad asayta qablu wa kunta min al-mufsidin. Maintenant? Ah bon? Maintenant, tu prétends croire avec toute la désobéissance que tu as fait alors que tu désobéissais et que tu étais au nombre des corrupteurs. Tu semais la corruption? Ça veut dire quoi ce verset? Ça veut dire que son repentir n'a pas été accepté. Pourquoi? Parce qu'il il avait atteint un stade à partir duquel le repentir n'est plus accepté. Et ce stade-là, c'est le stade du désespoir. Halatul Yas. Également, parmi les repères ou les moments, parmi les moments après lesquels le repentir n'est plus accepté, il y a quand l'âme, elle arrive au niveau de la gorge, elle traverse la gorge. On appelle l'endroit de la rarara, là où quand tu fais le gargarisme, l'âme, elle monte. Quand l'ange ôte l'âme du corps de la personne, l'âme, elle monte vers le haut. Et d'ailleurs, c'est pour cela que souvent ceux qui meurent, on voit leurs yeux, ils montent vers le haut parce qu'ils suivent avec leurs yeux, ils suivent du regard l'âme qui monte vers le haut. Et c'est tiré vers le haut et après ça monte, ça traverse la gorge. Dès que ça a traversé la gorge, le repentir n'est plus accepté. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Inna Allah ta'ala yaqbalu tawbat al-abdi ma lam yugharrir » C'est-à-dire que Dieu accepte le repentir de son esclave tant que son âme n'a pas atteint cet endroit-là de al-gharghara, ma lam yugharrir, tant que l'âme n'a pas traversé la gorge en fait. Et il y a d'autres moments. Si vous voulez plus de détails et plus d'explications, je vous invite à écouter le cours qui s'appelle le repentir. Donc, le repentir n'a pas été accepté de Pharaon. Il est mort. Il y a des gens qui se sont dit non, mais il n'est pas mort. Il n'est pas mort. Alors, du côté de Banu Israël, il y en a qui avaient peur que Pharaon s'en soit sorti. Alors, Moussa alayhi salam a invoqué Allah Ta'ala pour que son peuple soit tranquillisé. Et Allah a fait que Pharaon, il remonte à la surface. Et ils l'ont vu, ils l'ont reconnu, parce qu'il avait un bouclier qui était spécial, il n'y avait que lui qui l'avait, il avait une armure que seul lui possédait, et donc il a été reconnu, et son corps flottait à la surface de l'eau, alors qu'il était un grand tyran, et qu'il prétendait être Dieu. Et voilà, donc l'histoire du prophète Moussa alayhi salam, bien sûr, n'est pas terminée. Il y a une suite, hein. Ils ne se sont pas arrêtés là, puisque de toute manière, ils devaient aller jusqu'à Baytul Maqdis, Jérusalem, qui était la terre promise. Sauf que il est arrivé plein de péripéties durant la période où ils ont, après la période où ils ont traversé la mer, et notamment le fait que dès que ils sont arrivés à un endroit dans lequel ils ont vu des habitants qui adoraient des idoles, qui étaient en forme de vaches, alors des gens qui avaient vu les miracles du prophète Moïse, alayhi salam, ils étaient tellement dans l'ignorance qu'ils sont partis voir Moussa, alayhi salam, et lui ont dit « on veut un dieu comme eux, on veut que tu nous fasses un dieu comme eux », alors qu'ils avaient rencontré des gens qui adoraient des idoles sous forme de vaches. Ils prenaient pour divinité ce qu'ils avaient construit sous forme de vaches au lieu d'adorer Allah. Et des gens de Banu Israël, à cause des suggestions du diable, à cause de leur ignorance, ils ont voulu être idolâtres comme les autres idolâtres. Et bien sûr, c'est de la mécréance. Donc ils ont dit à Moussa alayhi salam, fabrique-nous une idole. Et ça, c'est de la mécréance, parce que c'est du shirk. Ça revient à associer Allah à ses créatures. Moussa alayhi salam, il était dans une grande colère, il n'était pas content. Ils ont vu tous ces miracles, tous ces signes qui prouvent la véracité de l'islam et ils osent réclamer au prophète Moussa de la mécréance, wal'iyadu billahi ta'ala. Vraiment, ça n'avait pas de sens. Suite à cela, Moussa alayhi salam, il leur a ordonné ce qu'Allah lui a ordonné et c'était de se diriger vers Baytul Maqdis, la Palestine. Il y a eu plein de choses, on les racontera inshallah ta'ala jeudi prochain. Mais tout à l'heure, je vous avais dit que j'allais rapidement vous parler du bâton du prophète Moussa alayhi salam. Le prophète Moussa alayhi salam avait un bâton. Certains ont dit que ce bâton, c'est Adam alayhi salam qui l'avait descendu du paradis. Et ce bâton était resté sur terre jusqu'à ce que le prophète Moussa alayhi salam l'obtienne. Et c'était un bâton qui était étonnant. C'était pas un bâton comme quand toi tu vas chercher du bois à la forêt et tu récupères un bâton. Le prophète Moussa alayhi salam, il l'utilisait dans plein de choses. Déjà, quand il marchait, il l'utilisait. Quand il se tenait debout, il se tenait sur son bâton. Et quand le prophète Moussa alayhi salam avait besoin de nourrir son troupeau, je vous rappelle que pendant 10 ans, il s'est occupé des animaux de son beau-père, Shu'aib alayhi salam, alors il frappait avec son bâton un arbre, les branches d'un arbre, pour que les feuilles, elles tombent, elles descendent, et comme ça le troupeau pouvait se nourrir. Donc ça, c'était une de ses utilisations. Quand des fauves venaient s'attaquer au troupeau du prophète Moussa alayhi salam, ou s'il y avait un ennemi qui voulait s'attaquer, Allah Ta'ala a fait que ce bâton soit un miracle, et ce bâton, il allait combattre le fauve tout seul. C'était un bâton, hein. Et le bâton tout seul, il allait combattre pour éloigner les fauves et les choses mauvaises, et pour protéger le troupeau. Également, s'il y a des bêtes qui s'éloignaient du troupeau, le bâton lui-même, il les faisait revenir par la puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc vraiment, Allah ta'ala a fait que ce bâton soit spécial. Il était vraiment utile pour le prophète Moussa alayhi salam. Quand le prophète Moussa alayhi salam, il avait soif, il voulait boire, alors le bout du bâton, s'il y avait un puits, il se transformait comme un seau ou un récipient. Ça faisait comme une grande louche en fait, et il descendait le bâton et il pouvait récupérer de l'eau avec le bout du bâton. Et après, il redevenait comme il était. Et le bâton, il avait deux extrémités, ou plutôt il avait deux branches à son extrémité. Ça faisait comme un V, comme la lettre V. Et le prophète Moussa alayhi salam, il accrochait dessus ses bagages, il accrochait dessus son arc et ses flèches, et la nuit, les deux branches du bâton, elles l'éclairaient comme si c'était des chandelles. Et ce même bâton, le prophète Moussa alayhi salam, quand il y avait du soleil en plein désert, il faisait chaud, les branches, elles s'agrandissaient, il pouvait mettre un vêtement dessus et il se couvrait avec. Quand je dis il se couvrait avec, c'est-à-dire il se faisait de l'ombre en fait, avec grâce à ce bâton. Et quand le prophète Moussa alayhi salam voulait boire et qu'il n'y avait pas de puits, alors il plantait le bâton, le même bâton, sur la terre, et le bâton, il faisait jaillir de l'eau par la toute-puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, et dès qu'il retirait le bâton de la terre, l'eau, elle s'asséchait, et la source, elle disparaissait. Quand le prophète Moussa alayhi salam voulait un fruit, il plantait dans la terre le bâton, il donnait des feuilles, et ça donnait également des fruits, et il pouvait manger les fruits de ce même bâton. Et ce bâton, il repoussait les bestioles et les insectes nuisibles également. Donc c'était vraiment un bâton multifonction pour le prophète Moussa alayhi salam. Et bien entendu, parmi les plus grands miracles qui lui ont été accordés, il y a la transformation du bâton en un véritable serpent, et il y a quand il a frappé la mer avec ce bâton, et la mer s'est ouverte en 12 chemins. Voilà pour ce qui est du bâton. Donc, qu'est-ce qui s'est passé après la traversée de la mer? Il s'est passé plein de choses. Je vous donne rendez-vous, Inch'Allah, jeudi prochain. Et je vais laisser place aux questions-réponses. Donc, je vais vous mettre le chat, le forum de discussion. Et je rappelle qu'il y a une session d'arabe qui va commencer au mois de juillet. Ceux qui veulent s'inscrire, c'est pour les débutants. On va apprendre l'alphabet. On va apprendre à lire et à écrire, Inch'Allah. Ceux qui veulent s'inscrire, ils envoient un mail à larabe.simplement@gmail.com. Il n'y a pas d'apostrophe. larabe.simplement@gmail.com. Voilà. Si vous voulez des informations sur cette formation d'un mois, vous envoyez un mail, Inch'Allah, à cette adresse. Et pour ceux qui sont nouveaux parmi vous, vous pouvez recevoir le lien des cours de religion. Les cours de religion sont toujours gratuits, bien entendu. Vous pouvez recevoir les liens par WhatsApp quelques minutes avant chaque cours. Il suffit d'envoyer un mail à l'islam.simplement@gmail.com. L'adresse est affichée sur votre écran. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. Donc j'attends vos questions quelques minutes. Et je vous rappelle qu'il y a cours en ce moment tous les lundis, tous les jeudis et tous les samedis à 20h. Inch'Allah, les vacances, les grandes vacances vont commencer. Le mois de juillet, le mois d'août, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas cours. Vous prenez des vacances quand vous allez à l'école. Vous prenez des vacances quand il s'agit du travail pour gagner de l'argent pour la dunya. Mais en ce qui concerne la religion, on apprend la science de la religion continuellement. Et donc, où que vous soyez, même si vous partez en vacances, n'oubliez pas qu'il y a cours. Habituellement, la plupart des gens ont internet, même dans leurs vacances, donc n'oubliez pas d'assister aux cours, Inch'Allah Ta'ala. Alors, quelqu'un demande, est-ce qu'on sait de quel pharaon il s'agit ou non ? Moi, personnellement, je ne sais pas. Je ne dis pas qu'on ne sait pas, dans l'absolu, mais moi, personnellement, je ne sais pas. Quelqu'un demande à quelle heure peut-on prier après le Fajr, Salat al-Duha. Le temps de la prière de al-Duha, qui est une prière recommandée, il commence lorsque le soleil s'est levé à une hauteur d'une lance environ. Donc c'est à peu près 20-30 minutes après le lever du soleil que commence le temps de al-Duha. Alors ne me demandez pas le prénom de Pharaon. En arabe, il s'appelait... s'appelait Al-Walid ibn Mus'ab. Après, est-ce que c'est Ramsès II ou tout en carton, tout en camon, tout en... Je ne sais pas c'est qui. Mais en tout cas, Fir'aoun, c'est le nom qui lui est attribué dans le Coran. Alors, je ne sais pas quelle taille faisait le prophète Moussa alayhi salam. Alors, quelqu'un demande, un couple marié, peuvent-ils se toucher, s'embrasser, sans perdre le wudu? Dans le madhhab Shafi'it, si ils sont mariés, et qu'ils se touchent peau contre peau, cela annule leurs ablutions. Dans d'autres madhahib, dans d'autres écoles, il y a plus de détails. Par exemple, dans l'école malikite, s'ils se sont touchés sans rechercher de désir et sans trouver de désir, alors ils ne perdent pas leurs ablutions. Par contre, s'ils se sont touchés dans le but de trouver un désir, un plaisir, et donc en recherchant le plaisir, ou en le trouvant, même sans l'avoir recherché, dans ce cas-là, ça annule les ablutions. Donc, il y a des détails dans certaines écoles, et des ramifications, on va dire, mais dans l'école Shafi'ite, non, dès que tu touches ton épouse, peau contre peau, cela annule tes ablutions. Quelqu'un demande, est-ce que c'est possible de faire la prière surérogatoire entre le Dhahr et le Asr? De quelle prière surérogatoire tu parles? Après la prière du Dhuhr, il y a des prières sunnah à faire. Tu peux en faire deux ou quatre, c'est-à-dire deux raka'a ou deux fois deux raka'a, qui correspond à quatre raka'a en tout. Ça, c'est après avoir accompli la prière du Dhuhr. C'est les ratiba, c'est la ratiba, c'est-à-dire les rawatib de la prière du Dhuhr qui vient après la prière du Dhuhr. D'accord? Et pour ce qui est de la prière du Asr, il est recommandé également de faire soit 2, soit 4 raka'a avant la prière du Asr. Quand je dis avant la prière du Asr, c'est-à-dire avant de l'accomplir après que le temps du Asr soit rentré. Et tout ceci est expliqué en détail dans un cours, dans la playlist qui s'appelle « Comment bien faire la prière ». Donc je t'invite à écouter le cours sur les prières sunnah, tout simplement. Par contre, après la prière du Asr, tu ne fais pas de prière recommandée. Jusqu'à ce que le temps du Maghrib entre. Alors, quelqu'un demande, est-ce que le bâton du prophète Moussa est conservé dans un musée? Il n'y a pas de confirmation, non, il n'y a pas de confirmation. Il y a des musées qui prétendent, comme par exemple à Topkapi, il y a un bâton, et ils disent que c'est le bâton du prophète Moussa, alayhi salam, mais beaucoup de traces ne sont pas du tout confirmées. En ce qui concerne ce qui a eu lieu avant le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Par contre, ce qui est montré, certaines pièces qui étaient mises sur la Kaaba, je parle du musée de Topkapi en Turquie, à Istanbul par exemple, ou bien même les cheveux du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui sont dans le musée à Topkapi, ça c'est pour de vrai, ça c'est vrai. Mais il y a des choses qui ne sont pas du tout confirmées. Quelqu'un demande, peut-on dire le nom d'Allah dans les toilettes? Non, c'est déconseillé de citer avec ta bouche le nom d'Allah dans les toilettes. Ça veut dire c'est makruh. Quelqu'un demande, pourquoi faire les prières surérogatoires? Par définition, ce qui est surérogatoire, ou on peut l'appeler aussi recommandé, c'est quelque chose qui te fait mériter des récompenses si tu l'accomplis, mais qui ne te, mais pour lesquelles tu ne te charges pas d'un péché si tu ne l'accomplis pas. C'est ça un acte surérogatoire, un acte recommandé, une sunnah. Si tu le fais, tu as des hasanat. Si tu ne le fais pas, tu n'as pas de péché. Tu ne te charges pas d'un péché. Alors qu'un acte obligatoire, si tu le fais, tu as des récompenses. Si tu ne le fais pas, tu es chargé d'un péché et tu mérites un châtiment dans l'au-delà. Donc pourquoi faire les prières surérogatoires? Pour gagner le maximum de récompenses possibles. Alors non, ce n'est pas pour atteindre la piété. La piété, tu l'atteins en accomplissant ce qui est obligatoire et en évitant ce qui est interdit. C'est comme ça que tu atteins la piété. Après, les actes surérogatoires, c'est en plus. Et avec ça, tu peux atteindre la sainteté. C'est au-dessus de la piété. À condition de faire preuve de piété déjà. Quelqu'un dit, je vois parfois des gens prier là où ils sont actuellement, par exemple dans le bus. Est-il accepté de prier n'importe où? Alors ceux qui prient dans le bus en étant assis, alors qu'ils ont la capacité de prier debout, ils ne sont pas handicapés de sorte à ne pas pouvoir être debout. Non, leur prière obligatoire n'est pas valable ainsi. Parce que, comme on a pu le voir dans la playlist « Comment bien faire la prière », parmi les piliers de la prière, quand elle est obligatoire, il y a le fait d'être debout pour celui qui a la capacité. Donc ceux qui font la prière assis dans un bus, alors qu'ils ont la capacité d'être debout, et qu'il s'agit d'une prière obligatoire, leur prière n'est pas valable. Alors la question de Lucas, je vais regarder dans les mails, désolé, hein, j'ai pas beaucoup le temps de regarder les mails en ce moment. Je vais essayer de retrouver ton mail si tu t'appelles Lucas. Et je vais voir, Inch'Allah. On va s'arrêter là, Inch'Allah. Barakallahu fikum. Je vous donne rendez-vous ce week-end, Inch'Allah. Et à bientôt. Voilà. Alors pour ce samedi, peut-être qu'il n'y aura pas cours samedi, mais dimanche plutôt. De toute manière, on vous le reconfirmera, Inch'Allah. بارك الله فيكم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته